Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Oh là là, encore une déclaration d'amour pour Sophie de Menton, ça n'arrête pas. Bah, je t'aime Sophie, super, c'est signé Philippe. Philippe qui te fait un gros... Tu collaborateur dans mon IDFM. Ouais, ouais, c'est loyal. Parce que je peux pas compter sur toi, Karine. Moi, je vais gagner deux dames qui nous envoient des SMS pour nous dire... Moi, j'ai des appels d'insultes quand même. Si, si, on aime régulièrement ça. Moi, je me suis fait vachement engueuler, là, à l'antenne. Alors, beaucoup... On m'a traité de quoi, madame de grand-père? Sophie de Menton, beaucoup réprimandé et pas vachement engueulé. Mais j'essaie de m'adapter à vous. Alain Soral, il joue encore la victime. Et sache que tu reçois à chaque intervention de nombreux mails de félicitations, d'encouragement. Donc je ne pense pas. Quand on s'attaque aux puissants, on fait botter le cul. Je le savais avant de le faire. J'écarte, n'a toujours pas réagi. J'assume. On attend la réaction. Alors, c'est Smaïn qui va être l'invité des grandes gueules juste après les infos de 13h. Smaïn de retour seul sur scène. Son spectacle s'appelle Rebelote. C'est en ce moment à Paris au théâtre du gymnase Marie-Belle. Et puis ensuite, il partira en tournée dans Belote. Et là, il assiste d'ailleurs un moment dans le spectacle Smaïn, mais là, le mot est vraiment comme la partie de carte, c'est Rebelote. Alain Soral, un mot sur Smaïn. Non, bah moi, je peux en parler, je n'aime pas frapper les hommes à terre. Je pense que c'est difficile pour Smaïn de se maintenir comme comique parce que il y a le beurre de service et on en change régulièrement et en ce moment c'est Jamel et je pense qu'à un moment donné ça sera un autre. Et je pense que pour Smaïn c'est dur en ce moment parce que les gars est déjà occupé, quoi. Oui, parce qu'il s'est fait doubler, on va dire, par la gauche, par un mec plus jeune que lui qui représente plus les banlieues. Peut-être qu'à un moment donné, Smaïn a des phrases malheureuses, normalement quand il avait dit à l'époque de la première guerre du Golfe, moi je prends le parti d'en rire, ça a pas dû lui attirer des sympathies dans sa communauté, et je pense que c'est dur pour lui aujourd'hui, parce que malheureusement le comique c'est très ciblé, c'est-à-dire qu'on fait le beurre, quoi, et il y a la place pour un beurre, visiblement. Ah, dès que ce mot il est vilain, mais c'est la réalité, c'est la réalité, et je pense qu'il doit ramer en ce moment, et donc je ne lui tirerai pas dessus. Est-ce qu'il rame effectivement en ce moment, lui posant la question? Oui, il rame. Karine Zeribi, sur Smaïn. Moi, Smaïn, j'ai du respect pour lui, hein, comme j'en ai pour les gens qui sont artistes, qui font un métier qui est difficile, comme l'a dit Alain, c'est un gars qui a terre aujourd'hui, qui a connu le grand succès putain de temps, et quand il avait connu le grand succès, moi j'avoue que j'étais pas un fan. Donc, parce que peut-être qu'à l'époque, je comprenais pas trop sa manière de vouloir nous faire rire, quoi. Je trouvais qu'il était vraiment dans une caricature, donc des Français d'origine maghrébine. Bon. Maintenant, avec un peu de recul, j'espère qu'il va pouvoir redémarrer. Je pense qu'il a du talent, c'est un mec qui a du talent, mais je pense qu'il peut aussi connaître le succès en sortant des caricatures. Et je n'ai pas vu son spectacle, mais si c'est ce dont il s'agit, je lui souhaite vraiment beaucoup de réussite. Sophie de Menton, Smaïn vient d'arriver. Il y a une jolie phrase qui dit que l'humour est la politesse des angoissés. Moi, j'aime d'abord ce qui est drôle. Je pense que c'est très difficile de faire rire. J'aime bien les caricatures. Je connais mal Smaïn. Je m'en souviens plus. Pour moi, c'est pas un retour, c'est une naissance. Donc, vous en avez tellement parlé que je vais faire attention. Mais c'est vrai que je suis pas une. C'est pas forcément ce que je regarde le plus. Mais en tout cas, j'adore rire et j'aime les gens qui savent faire rire. Bah, c'est son cas. Sophie de Menton, merci. Passez un bon week-end, les grandes gueules. Karine, Sophie de Menton, Alain Soral avec Olivier. On reste en accueil Smaïn avec vous en direct au 32-7 dans un instant. Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules.